On me dit de la guerre civile et armée. On n'est pas très éloigné. Tous les peuples en conflit, à diviser pour mieux régner. L'unité et la vérité se sont libérées. Écoute. Warning, le couvre-feu est lancé. Warning, la police est déjà postée. Entraînée pour nous arrêter, l'État envoie son armée. Histoire qu'on oublie ce qui s'est passé. Warning, le couvre-feu est lancé. Warning, la police est déjà postée. Entraînée pour nous arrêter, l'État envoie son armée. Histoire qu'on oublie ce qui s'est passé. Regarde man, aujourd'hui le feu brûlait hier. Dis-moi si tout cela était bien nécessaire. Seulement quand tu vois le sort qu'il laisse à nos sœurs et frères. Personne la voulait, mais certains souhaitaient la guerre. Que diront nos enfants si on ne défend pas notre terre? Alors que c'est bien sur elle que souhaite nous voir vivre notre père. La réalité fait qu'on est nombreux à ne plus vouloir vivre l'enfer. L'hypocrisie fait qu'il donne la parole à Lucifer. Que feras-tu quand tu verras sortir tous ces gens dans la rue? Et hey, policeman, que feras-tu quand tu verras sortir toutes ces familles dans la rue? Et hey, comptes-tu leur tirer dessus? Comptes-tu suivre toutes ces lois corrompues? Et hey, policeman, que feras-tu? Militaire, que feras-tu? Warning, le couvre-feu est lancé. Warning, la police est déjà postée. Entraînée pour nous arrêter, l'État envoie son armée. Histoire qu'on oublie ce qui s'est passé. Warning, le couvre-feu est lancé. Warning, la police est déjà postée. Entraînée pour nous arrêter, l'État envoie son armée. Histoire qu'on oublie ce qui s'est passé. Ça n'empêche qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes sont vénères. Ça n'empêche qu'aujourd'hui l'air n'est pas très salutaire. Trouves-tu normal que sans monnaie tu rentres un PV en poche? Trouves-tu normal que sans papier tu finisses ta nuit au boss? Si on écoute les politiques ce qu'ils disaient hier, très peu de choses ont changé à part le prix de la vie plus cher. Toujours plus de policiers dans les rues pour stopper nos frères. C'est pas la même peine que tu purges si tu choisis de ne plus taire. Que feras-tu quand tu verras sortir tous ces gens dans la rue? Et hey, policeman, que feras-tu quand tu verras sortir toutes ces familles dans la rue? Et hey, comptes-tu leur tirer dessus? Comptes-tu suivre toutes ces lois corrompues? Et hey, policeman, que feras-tu? Militaire, que feras-tu? Warning, le couvre-feu est lancé. Warning, la police est déjà postée. Entraînée pour nous arrêter, l'État envoie son armée. Histoire qu'on oublie ce qui s'est passé. Warning, le couvre-feu est lancé. Warning, la police est déjà postée. Entraînée pour nous arrêter, l'État envoie son armée. Histoire qu'on oublie ce qui s'est passé. Hey, écoute, Cherry Jam Rhythm, Rebel Music, Don Valdez sur une production Chervin. T'entends ça? Dédicace à tous les peuples en mouvement, rebelles, solidaires et indignés. Parce que cela ne va pas tarder. Non, non. Cela ne va pas tarder. Évolution. Non, non.